monde a fâti. Les petits ont grandi. On braque le franc, prix P38 brandy. Fuis sur un banshee. Rien tu fais l'ordi. Mais je sais que tu ventis. Je t'ai jamais senti, je suis avec l'Andy. Je fais que du dirty. Billets sont blanchis. L'équipe a franchi. L'argent de la tontine réinvesti dans Coco des Antilles. Grand loup sa grande vie. Je me crois dans un grand prix. Son legging est rempli. Mais si elle veut paniquer, tant pis. Je prends pour toi si tu me garantis mon pensée. Mais si c'est pour pointe, je serai obligé de te balancer. Bitch, je dis pas que t'es qu'une tasse paix. Mais les kilomètres que t'as mangé. Je dis juste que j'aimerais pas les faire à pied. Encore un corps retrouvé tout au fond du canal. Camus loué au blast d'une poupée. On démon sur Paname. 22, 22, y'a la banalisée. Ils font des sous camas. Tire dessus sur la place du marché. Et tout ça pour de la maille. J'crois qu'il y a encore un corps retrouvé tout au fond du canal. Camus loué au blast d'une poupée. On démon sur Paname. 22, 22, y'a la banalisée. Ils font des sous camas. Tire dessus sur la place du marché. Et tout ça pour de la maille. Leur vie ne tient qu'à un fil. Dans la street c'est tendu. J'porte mes couilles, confiance à mon bloc. Et j'ai foi au bon Dieu. Vida de bandit. Là au plus on a vendu. Elle sait que j'fais des sous. Elle veut que j'l'emmène un peu chez Givenchy. Mais j'crache ma purée sur ses fossiles. J'transforme la cabine en coffee. J'les laisse faire l'escale à blinder. On sait tous que c'est des pauvres types. On vise la tête et pas les jambes. Au moins c'est ce que tu peux pas riposter. J'suis fondé sous la rue des champs. Dans le 6.3 avec danser. On essaie de ce qu'il a merde. La frappe en gros face qu'on ramène. J'compte que sur mes frères. Y'a que les dalpés qui j't'amène. On essaie de ce qu'il a merde. La frappe en gros face qu'on ramène. J'compte que sur mes frères. J'prends pour toi si tu me garantis mon pensée. Mais si c'est pour pointe, j'serai obligé de te balancer. Bitch, j'dis pas que t'es qu'une tasse paix. Mais les kilomètres que t'as mangé. J'dis juste que j'aimerais pas les faire à pied. Encore, encore.